from France, composed by André Pop and performed by Martine Clemenceau. The title, Un jour l'amour. Au fil du temps qui court, la nuit, le jour, je vis au bleu de mon amour, comme un oiseau blessé qui se posait un jour. Je n'étais qu'un gris. C'est presque rien, le monde.